te reverrai, ma plage sous le vent. Oh, jamais, non, jamais ne reviendra le temps où tu disais tous ces mots que le vent emporta loin d'ici, si loin de ce pays. Les a-t-il effacés comme il a effacé nos noms sur la jetée? Ce jour-là, le vent se souviendra.